Il est 15h. 15h09, vous êtes bien à l'écoute du www.rqc.be sur le 95FM, l'émission Rock the Nations avec Bruno. On est ensemble jusqu'à 17h. Aujourd'hui, nous avons les Sépulcrales qui sont dans nos studios pour une interview à l'occasion de la sortie du CD Back from the Dead sur le label Great Dane. Ils vont nous parler un peu de ce retour quelque peu surprenant, inattendu, après un hiatus de quand même 24 années. Et on avise, ils ont pas mal de choses à nous dire, les Sépulcrales. Mais tout d'abord, on a commencé l'émission avec Road to Ruin, le quatrième album des Ramones, paru au printemps 1978, et le morceau I Wanted Everything, enchaîné avec Queen of the Stone Age featuring Dave Grohl à la batterie. Dave Grohl, grand personnage qu'on ne présente plus, l'ex-Nirvana et actuel Foo Fighters. L'album de 2002, Songs for the Deaf, de Queen of the Stone Age, et le morceau A Song for the Dead. On reste dans la même lignée, hein, Heavy Stoner avec les Néerlandais de Drive By Wire, leur dernier album en date, et on s'écoute le morceau In This Moment. Right through you. Motorhead, énième hommage à l'éminent RQC pour l'émission Rock the Nations, le dernier album en date, Bad Magic, paru à la rentrée 2015, et c'était le morceau d'ouverture Victory or Die. Juste auparavant, c'était Drive by Wire, les néerlandais de Drive by Wire, l'album The Whole Shebang, paru en 2015, et le morceau In This Moment. On repart dans les grands classiques qui ravira les petits comme les grands, Twisted Sister en 1983. Le deuxième album, You Can't Stop Rock'n'Roll, et le morceau You Can't Stop Rock'n'Roll. You can't stop rock and roll. 15h26 sur le 95FM www.rqc.be. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno. Les membres de Sépulcral sont également présents dans nos studios. Ils vont nous parler un peu de leur CD Back from the Dead paru sur le label Great Dane. Si, je le confirme. Et voilà, ils vont parler un peu de leur projet, de pourquoi une telle reformation après une séparation de 24 ans. Voilà, une interview à ne pas manquer juste à l'instant. Les Bordelais de Vixen avec leur album After Hate paru l'année dernière et le morceau Revolution juste auparavant, Twisted Sister en 1983, l'album You Can Stop Rock'n'Roll et le morceau du même nom. On part avec l'album du Noir, Les Shérifs, les deux doigts dans la prise avec deux titres enchaînés qui raviront encore une fois les petits comme les grands. Attention à toi, si tu me pousses à bout, enchaîné avec J'aime jouer avec le feu. C'est parti, c'est l'album du mois. Et sachez que c'est la dernière semaine. Pardon Arnold ? Tout à programme. Tu peux parler près tout du micro. Tout à programme. Mais oui, tout à fait, les shérifs. Et sachez que le mois prochain, eh bien, il y aura un nouvel album du mois. Mais pour cette semaine, pour le dernier dimanche de février, les shérifs. Attention à toi ! Pousse à bout ! Chez moi, plein de cadeaux. Tu me fais voir ta grosse moto. Mais fais bien gaffe à toi et regarde où tu vas. Tu vas me pousser à bout. J'aimerais bien que je pour toi. Pour me prouver que l'argent est roi. Et c'est dangereux pour toi de jouer à ce jeu-là. Tu vas me pousser à bout. Tu vas me pousser à bout. Le sang français qui circule en moi, le conseil malgré moi, de sauver les âmes. Yes, oh yes, Raven, leur dernier album en date sur Steam Hammer, Extermination, fantastique album, et le morceau Feeding the Monster, juste auparavant, c'était l'album du mois, Les Shérifs, Les deux doigts dans la prise avec Attention à toi et J'aime jouer avec le feu. On part dans les classiques du heavy speed metal le plus pur, Metal Church. En 1985, leur premier album auto-intitulé, le morceau Battalions. 15h45 sur le 95FM, le www.rqc.be, l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno. Les membres de Sépulcral sont dans nos studios. L'émission et l'interview va commencer d'ici une dizaine de minutes, un quart d'heure. On a encore plein de bons sons à passer, et notamment celui de Agent Steel, un vrai régal que ce EP Mad Locust Rising, paru en 1985, et le morceau du même nom, juste auparavant, dans la même lignée, Metal Church, en 1985, toujours leur premier album auto-intitulé, et le morceau Battalions. On reste toujours dans la grande époque des années 80, et on reste en 1985, Zotrop, prononcé Itrop, c'est selon l'album Amnesty, et le morceau d'ouverture Indecent Obsession. The shooting colonel! Blast your elbow down! Yeah. Sailor, stop spraying! Conserve your ammo! George, you haven't got one in the kill zone. Well, these hands were made to fly. Hey, we'll tell that to the enemy when he blows your stupid head off. Kill the enemy! Hey, don't lose it, mister! Hey, you kill a fucking enemy, asshole! We'll be right back. Yes, Exciter en 1984, morceau inédit tiré d'essai sur l'album Violence and Force. C'était le morceau Death Revenge. Tout va bien, messieurs ? Ça va, Bruno ? Tout va bien. Salut, Bruno. Allez-y, vous pouvez parler. Hein. Et bonjour aussi aux auditeurs de Radio. Bonjour, Bruno. Bruno. Mais il n'y a pas de souci. C'est anal, une mauvaise information. C'est pas grave, je n'ai rien entendu. Je vous ai sollicité, bien sûr, pour qu'on parle de Sépulcral, parce que le morceau qui arrive, c'est un groupe que vous adorez tous les deux. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu fan. Un petit peu fan. Ouais. Un peu. Bon, bah, ça va, vous restez quand même dans les locaux. Si je suis pas fan de ce groupe, vous restez là quand même. Je sais pas. La phrase que tu as dit. Ouais, mais on a déjà rendu hommage à Venom l'an dernier, n'oublie pas. Oui, c'est vrai, j'avoue. En compagnie de Adil, si vous êtes fidèle aux auditeurs et auditrices de Rock the Nations, Arnald qui est respectivement batteur de Sépulcral et Damien, bassiste chanteur de ce même groupe, sont présents dans nos studios. Et Arnald est déjà connu dans les locaux du RQC pour avoir co-animé avec notre compère Adil un focus consacré à Venom. C'était l'année dernière, à peu près la même époque. Au jeu Venom. j'ai choisi Sons of Satan, extrait de l'album Welcome to Hell. Ça vous convient ? Ouais. Vous n'avez rien à dire ? Non. Vous vous réservez pour tout à l'heure ? Ou pas ? Allez, c'est parti. Sons of Satan, c'est Venom dans Rock the Nations. We'll be right back. Halloween Hour. Tom Araya et Kerry King, accompagnés de Chris Kontos et de Rob Flynn de Machine Head, pour rendre hommage à Venom avec une version live de Witching Hour. C'était la dernière date de la tournée Divine Intervention. Et bon, bah, comme à chaque dernière date, eh bien, les buffs se créent. Et puis c'est un peu bazar aussi sur scène. Mais ça, pour tous les passionnés de métal que nous sommes, je ne vous apprends rien. Voilà. Rebonjour à vous, messieurs de Sépulcral. Salut Bruno. Salut Bruno. Alors donc Arnald, batteur, et Damien, bassiste, chanteur de ce groupe. Voilà, le groupe s'est séparé en 1993, donc reformation 23 ans après. Qu'est-ce qui vous a motivé par ce retour ? Ben en fait, moi j'avais l'idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, j'ai envie de refaire quelque chose, bien sûr avec les membres originaux forcément. Et en fait, quand j'ai vu Putrid qui se reformait, que ça marchait bien pour eux, j'ai dit bah pourquoi pas quoi, pourquoi pas, ça marcherait peut-être aussi pour nous. Donc j'ai contacté Damien et bon bah il a quasiment accepté tout de suite. De toute façon, j'aurais voulu personne d'autre. Et après j'ai essayé de contacter j'ai contacté Loïc. J'ai fait une première répète avec Loïc. Loïc donc qui était guitariste. Guitariste, ouais, voilà. Et mais bon, lui, par contre, c'était pas possible parce que bon, il y a No Flag, il y a l'ELB, il y aurait peut-être pu entre deux, mais bon, c'était pas possible quoi. Après, j'ai essayé avec Eric, mais bon, lui, il a tout lâché, c'est terminé. Avec Thierry, tu veux dire Avec Thierry. Ouais. Avec Thierry, il a tout lâché, donc plus possible non plus. Puis j'ai pensé à Eric. J'ai dit, bah tiens, je le connais bien, c'est un bon pote, et puis il fait pas mal de choses. Donc j'en ai parlé, et il a quasiment accepté aussi tout de suite quoi. Donc Eric, ex-Voukoupe Kamé, ex-Amandsoul, à la guitare, donc. Voilà. c'était important pour vous, tu parles d'un pote, c'était important de faire ça entre amis, entre connaisseurs, mais surtout entre vieilles connaissances, quoi. Bah, c'est plus simple pour nous, l'ambiance, on répète actuellement, voilà. Super bonne, voilà. On s'entend bien et c'est assez important quand même. Et donc oui, suite au refus de Thierry et Loïc de se joindre à cette reformation, c'est Eric qui est arrivé. Je crois qu'Arnal n'a jamais demandé à Thierry, je pense pas. Il a demandé l'autorisation de reprendre. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Il a demandé l'autorisation de reprendre le groupe, mais Thierry, ça fait longtemps qu'il Il a tout lâché. Il n'est plus dans le milieu. Voilà. Et excepté Eric, vous aviez contacté d'autres personnes pour la guitare ? Non, j'ai demandé à Eric et puis moi il m'a dit bah écoute, je vais réfléchir, je vais voir ce que je sais faire. Je lui avais demandé de trouver un son particulier, qu'il m'a trouvé tout de suite. Donc j'ai dit bingo et bah Damien il nous a rejoint, on a fait une première répète et ça a collé directement. Moi la première répète j'ai fait avec eux, tout de suite j'étais accro. Et, même mieux qu'avant, c'était c'est plus intense. Son énorme, voilà. Tout ce que j'écoute. Et qu'est-ce que vous écoutez, justement, on va parler un peu de... À la base, Sepulchra, le groupe Death Grind, Death Gore. Death Gore, ouais. Et donc, c'était vos influences à l'époque et maintenant. On écoute encore un peu les anciens, les Carcasses, Morbid Angel. Ouais, voilà, les vieux, mais on écoute aussi maintenant du old school, hein. Dismo, je vais dire Cops et Sed, des choses comme ça. Death Congregation, Grave Miasma. C'est un peu nos influences quand même, quelque part, hein. Des choses comme ça, des gros sons bien old school, quoi. D'accord. Et entre l'annonce de votre retour et la sortie de ce CD, ça a été assez rapide. C'était voulu de votre part ? Vous aviez prévu ça dès le départ ou Bah en fait non. En fait, comme c'est Grid Dan qui a sorti le CD et quand je lui ai parlé que je voulais reformer Sepulchral, bah il a sauté sur l'occasion. Il a dit écoute, moi je suis intéressé par ce que vous allez sortir. Parce que j'adorais ce que vous faisiez, et je dis vous calme-toi, je dis on n'a rien sorti, et il a tout de suite accroché, et il a dit bah, moi je vous sors dès que vous êtes prêt. Quoi. Et en fait, bah, ça s'est fait en même pas un an. Quoi. Et c'est Eric qui s'est un jour pointé avec sa table de mixage, micro, et en fait les enregistrements c'est des rehearsals. Des rehearsals. Ouais. Mais ça sonne bien, ça va. Ça va, le résultat sonne correct. Pour une rehearsal justement, hein, tu me demandais mon avis, bah voilà quoi. Donc du coup, le CD Back From The Dead est sorti très récemment sur le label Great Dane, 10 ouais. titres. Donc 3 réenregistrements plus Vampirus Spectrum comme nouveau morceau. Titre, ouais. Et vous avez joint également les fameux titres de la compile Oscum Per Obscurius voilà. de 1992 voilà. et la démo de 1991. Voilà. Il y avait d'autres chutes de studio, de matos que vous auriez pu inclure sur ce CD et que vous n'avez pas jugé bon. Non, il n'y a rien d'autre. Je sais qu'il existe des enregistrements, mais c'est pas nous qu'on les a. C'est le frère à Thierry qui avait à l'époque enregistré une répète à nous avec tous des vieux morceaux qu'on n'a jamais enregistrés en fait. Mais ce qu'on voulait avant tout, c'était le présent. Quoi. Mmh. Voilà. Mettre le présent, bah déjà il n'y a pas de vieilles photos. C'est CD, vrai, c'est, oui, tout à fait. Ouais. C'est maintenant, quoi. Voilà. D'accord. C'est le Sepulchra, le... 2016, 2017. Voilà. Il y a juste eu le CD qui a été remis, enfin la démo qui a été remis numériquement sur CD, quoi. Voilà, quoi. D'accord. Ce qu'on a fait, on n'a rien touché d'autre. Eh bien, je vous propose de laisser découvrir à nos auditeurs ce que vaut le Sepulchra, le version 2016-2017. Je vous rappelle le line-up, hein, bien sûr. Outre les indéboulonnables Arnald et Damien, et bien l'ex Voukoub Kamé et Amon Soul, Eric est à la guitare, les a rejoints. Et au chant, il y a deux chants. Ok. Ouais. Et bien, extrait de ces réenregistrements, on s'écoute le morceau Internal Decomposition. We'll be right back. Tout va bien. Ça va bien. Oui. Avec une petite chimie bleue. Merci à notre ami, c'est quoi ton prénom ? Mathieu. Merci Mathieu. Voilà, nous venons d'écouter Sepulchral qui sont dans les studios, bien sûr, le CD Back from the Dead. C'est des 10 titres avec des réenregistrements de vieux morceaux, un nouveau morceau Vampiro Spectrum et les fameux titres de la compilation Oscurum Per Obscurius ainsi que la démo 1991. Là c'était le morceau Internal Decomposition. Alors tu expliquais tout à l'heure que c'était sorti sur CD, bien sûr Great Dane, mais également sur cassette. Non, la cassette c'est un autre enregistrement. C'est ce que je dis, oui. Voilà. C'est en également fait, sorti sur cassette. C'est et là, j'allais dire, c'est un autre. Voilà, en fait, il y a une démo est sortie avant le CD qu'on a fait nous-mêmes, tout avec un autre enregistrement. Donc, c'est des enregistrements différents. Et voilà, donc. Il y a un vinyle. Ça va sortir un jour en vinyle, mais que les nouveaux morceaux 2016 et des autres morceaux. Voilà. D'accord. Ça doit sortir en vinyle. Ouais. C'est encore qu'un projet, mais ça devrait se concrétiser quand même. C'est bon ça. Fin d'année, je pense. C'est bon ça pour la collecte. Nous on passe par cassette, vinyle. On fait tout nous. Bah, c'est bien. Et après on fera encore des bandes. Mais c'est dur à trouver ça. On parlait un peu de l'enregistrement tout à l'heure. Donc c'était derrière sol. Eric est venu avec son matos. Ouais. Et puis vous avez enregistré en live. En live. Et ça a été mixé après. Live. Voilà, on a enregistré live en répète. Il n'y a que le chant qui a été refait après. Mm-hmm. Voilà. Et les guitares rajoutées au-dessus. Les guitares rajoutées, ouais. Et un mot sur la pochette de Back from the Dead. Ouais. Bon, en fait, c'est un copain à Eric qui lui a fait ça vite fait. Quoi. Vite fait. Pas Eric. Eric, c'est la démo, autant pour moi. C'est un copain à Raph, donc de Griden, qui habite du côté de Marseille, je crois. Donc, il nous a fait ça, mais il n'y avait rien. En fait, il n'y avait absolument rien, puisqu'on n'avait rien enregistré. Il a fait ça vite fait. Il fallait quelque chose qui soit evil et old school. Evil et old school, et il nous a pondu ça, et voilà quoi. Ça va, le résultat est bien. Ouais, ouais, c'est tout ce qu'on voulait. Et donc, il fera certainement le vinyle aussi, je pense. Et donc, tu as insisté, Damien, pour dire que Sepulchral, maintenant, c'est 2016-2017. On tire un trait sur le passé en sortant les morceaux. Pas un trait, mais c'est le présent maintenant. Voilà. Sepulchral, c'est. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de photos de l'ancien line-up, non, quoi. Non. D'accord. Comment peut-on se procurer le CD, la cassette, les contacts Alors il y en a, d'après ce que je sais, il y en a au Furet, il y en a à la Fnac, nous aussi on en a, au cas où. Voilà, on a des CD, on a encore des cassettes aussi, si les gens sont intéressés, pas de problème. Et quels sont les tarifs? Alors la démo c'est 5 euros. En cassette hein. En cassette, et le CD c'est 10. D'accord. Après il faut voir avec le port, ça dépend où on l'envoie. Vous pouvez le gagner en écoutant Rock the Nations. Voilà. On donne une question. On donne une question pour les auditeurs. Allez, vas-y. Ah, je ne sais pas. C'est à vous de la poser. Quelle bière on est en train de boire maintenant? Ah bah si les gens les ont écoutés, ils doivent le savoir. Non, j'ai une question. Juste avant de commencer l'interview, on a rendu hommage à un énorme groupe, un trio anglais. Que Damien, Arnold et Eric adorent tous les trois. Ouais. Un trio infernal venant de Newcastle, dont la lettre commence par un V. Quel est le nom de ce groupe si vous voulez rafler un CD ou une cassette? Je peux le dire, j'ai la réponse aussi moi. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Bruno Iron Alford avec le I et le H en majuscule s'il vous plaît en un seul mot ou sur la page Facebook de l'émission Rock the Nations, l'intitulé a changé. Il s'agit de Rock the Nations Radio Show s'il vous plaît pour rafler un CD ou une cassette de Sepulchral. Le nom de ce trio infernal de Newcastle qui a sévi dans les années 80, s'il vous plaît. Et qui allez, sévit encore. Et qui sévit encore, mais sous un autre line-up. Hein. Ouais. Veuillez m'excuser, j'étais en train de caler le quatrième titre de Sepulchral. On s'écoute le morceau Vampirus Spectrum. Ouais. va bien les amis? Tout va, ça bien, va, ça tout va. Va bien. C'est un peu le bazar. C'est normal, on est là. Non, en fait, non. Ça va aller. Si, si. Vous êtes bien à l'écoute de www.rqc.be, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno, en compagnie des membres de Sepulchral qui viennent nous parler de leur CD sur le label Great Dane, Back from the Dead. Quels sont vos projets pour 2017? Bon, en premier, les concerts. Je concerts, ouais. Rapproche-toi du micro. On bosse pour les concerts, ouais. On bosse pour des concerts, ouais. Et pour le moment, votre répertoire, vous disiez avoir 5 morceaux? Non, on est à 7-8 maintenant. Ah quand même, vous avez bien bossé depuis. Hein. Pas finalisé. Voilà. On doit aller travailler. On doit aller travailler. 7-8, ouais. Mais ça va aller vite. Ouais. Voilà. Et donc, pour un concert de 40 minutes à peu près? Ouais, on a des reprises aussi. On a une reprise ou deux, ouais. Ah d'accord. Ouais, les noms des reprises? On dira pas. On a une reprise qui est... On a un bourricot et Eric, s'il m'écoute, il va comprendre. Il a coûté de moi le bourricot. Il y a une reprise qui est occupée d'être bien finalisée. Ouais. Celle-là, je pense qu'elle sera faite assez rapidement. Mais on le fait entre deux. C'est années 80. Hein. Voilà. Forcément. Hein. Ouais. Vous aviez un concert de prévu à El Diablo. C'était un mini-concert. C'était pour une soirée de lancement Great Dane, en fait. Voilà, c'était ça. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, bien sûr, le bar El Diablo à Lille a fermé, malheureusement. Vous avez d'autres contacts? Pour l'instant, non. Je sais que Raphaël essaye de monter quelque chose avec justement ses groupes de son label. Mm-hmm. Donc, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu encore. Peut-être le Midland. Après, il y a le nouveau café à l'homme. Ouais. On a rien de sûr non plus. Après, on aimerait bien en Belgique, nous, mais bon, on verra. Bah, vous avez quand même pas mal de contacts à droite à gauche. On a des contacts, même si du côté de Nice et tout ça, on a des contacts. Je veux dire, on a à Paris, après j'ai aussi des contacts en Bretagne. Ouais. J'ai pas mal d'amis en Bretagne. Ouais. Il y a quelques temps, on avait été au Pizza Courtrai voir Apocalyptic Raid, ouais, groupe brésilien. Et on avait déjà joué là, on leur a proposé de jouer. Donc, mais pour l'instant, on préfère qu'il n'y ait rien en ce moment, parce que si c'est pour annuler des dates, ça sert à rien non plus. D'accord. On se sent pas encore prêt pour faire un concert en entier. Quoi. Donc toujours du travail, des répétitions. Exactement. Et puis une fois que vous êtes prêt, allez, on se lance. Après ça sera parti. Voilà. On répète une fois par semaine au LB. Donc voilà. Parce qu'on notre travail est compliqué, donc on a tous des horaires un peu compliqués. Et voilà, donc c'est un peu compliqué, mais on essaye d'être régulier au moins une fois par semaine, c'est sûr. Très bien. Le mot de la fin, messieurs. Fin. Merci à toi, Bruno. Mais je vous en prie. Sachez que le CD et la cassette sont toujours à gagner sur le www.rqc.be. Et n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook Rock the Nations Radio Show ou sur ma page perso Bruno Iron Alford. Iron Alford en un seul mot avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît, pour rafler le CD ou la cassette de Sepulchral. Quel est ce fameux groupe originaire de Newcastle dont les membres de Sepulchral sont des fans hardcore, s'il vous plaît. Un trio maléfique ayant œuvré dans les années 80, toujours en activité mais avec un différent line-up, mais c'est surtout cette incarnation-là, ce trio-là qui a vraiment marqué toute une génération. Allez, merci encore à vous d'être venus, messieurs. Merci à toi. Bonne continuation pour la suite. Je vous souhaite plein de concerts, plein de bonnes choses, de bonnes rencontres. Et je vous dis à très bientôt planches. Ah, d'ailleurs, on a peut-être un petit appel. Fais donc. On cherche un guitariste, pas forcément soliste, mais bien old school, qui pourrait nous rejoindre pour compléter notre line-up. Eh bien, c'est parfait. L'appel est lancé. Le trio Sepulchral recherche son deuxième guitariste. Et ça aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également contacter la page du groupe sepulchral.fr, tout simplement. On repart avec Sepulchral, avec un extrait de la fameuse et fabuleuse compile Obscurum per Obscurius de 1992. C'était une compile des groupes de death metal du nord de la France. Hein. Outre Sepulchral, il y avait Dagon, Putridophal, Nocturnal Fears, Suppuration, j'en passais des meilleurs, il y en manque un, Chromades. Et donc, extrait de cette fameuse compile, on va s'écouter le morceau Personal Suffering Sepulchral sur Rock the Nations. We'll be right back. We'll be right back. this world goes astray. Take a DJ from this place you are with. I fulfill the promise of heaven on earth. You are the one who killed your own son. We are the ones your hatred is on. Children are dying and they are content. Where is your prophet and what you have left? No intervention from angels above. God is the reason that Satan is on. Raven of God. Raven of God. Raven of God. Blame It On God, le quatrième album de Deicide, paru à l'automne 1997, Serpents Of The Light, paru sur le label Roadrunner. On reste dans le death metal le plus pur avec les Suédois de Vomitory, leur tout meilleur album que ce Blood Rapture, paru en 2002 sur Metal Blade, Blessed And Forsaken. Ils sont quatre exocrines sur le label Great Dane. Leur dernier album en date, Ascension, paru il y a quelques semaines. 10 titres, dont 9 titres répartis sur une trilogie. 3 chapitres, le premier Exode, le deuxième The Ascension et le troisième The Rebirth. Et on s'est écouté le morceau d'ouverture Terra. Il est 16h40 sur le 95FM, www.rqc.be, c'est bien l'émission Rock the Nations. On est ensemble jusque 17h et on part dans le death brutal le plus pur avec les Mighty Angel Corps, la compilation posthume parue sur le label Osmose en 2001, Iron Blood and Blasphemy, et le réenregistrement featuring Tony Laureano derrière les fûts, When Abyss Winds Return. les Boulonnais de Biatis dans Rock the Nations avec leur unique album autoproduit et sorti en 2003. L'album s'appelle In Dark Abysses of Memory. C'était le morceau Glorification of Life. On reste en France avec Hypocras, leur premier CD Dead and Hungry, paru sur le label Warpath, qui a également sorti le premier album de Kronos. Et donc cet album, 7 titres, on s'écoute le morceau Divine Illusion. Tu as été vomi de la blessure béante d'une misérable femme. Tu n'as fait qu'étouffer en l'homme ses désirs grandissants sous un déluge de sermons moralisateurs. Ashes in Blood, l'album Spontaneous Combustion paru l'année dernière, et le morceau Ashes into Blood. En 16h56 sur le 95FM, il est grand temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi ainsi qu'une bonne semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 15h pour de nouvelles aventures avec un nouveau focus, un nouvel album du mois. Et on termine en beauté avec King Diamond, l'album Abigail. Top 10 du heavy metal et même top 10 tout style de metal confondu. Je persiste et signe, c'est un must. Must to have, et extrait de ce fantastique album, on s'écoute le morceau Arrival.